sur une voie qui me mène vers une sortie. La voie de gauche continue vers une autoroute. Ce poids lourd s'est sans doute trompé d'itinéraire et signale son intention de se rabattre sur sa droite, juste devant moi. Accélérer, ce serait aller vers les ennuis. Garder la même allure, c'est refuser une erreur commise par un autre et prendre des risques pour moi. Freiner, c'est la meilleure solution, bien que je sois suivi d'assez près. Mais entre me faire projeter contre la glissière de sécurité à droite et être heurté à l'arrière dans cette situation particulière, je choisis celle qui me semble la moins grave. Réponse C.